Voilà. Ça y est, le petit générique de RVU. You. En direct en plus. You. Ça va, man? Ça va, man, très bien. Bien, tranquille? Ouais, super. Plein de nouveautés ce soir? Oui, alors que des nouveautés. Ah, ça sera. Ah ouais, tu joues combien de temps? 90 minutes, toi. Hein? 90 minutes, que des nouveautés. Ah bah c'est bon ça. C'est incroyable. Très que bien. De la nouveauté au son années 80, c'est incroyable. C'est ouais, c'est dingue, hein. Ouais, je suis franchement étonné, moi. Ouais, de plus en plus, il y a plein moi, de groupes. J'étais persuadé, en fait, avant que tu m'expliques un petit peu, que tu jouais bah, les trucs de il y a 25 ans, quoi. Ouais, donc, pas du tout, je t'ai déjà dit, hein, une émission, même les soirées Rainbow of Pass, c'est 50% de choses nouvelles. Des choses de il y a 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an. Tous des groupes allemands, américains, anglais, italiens qui se reforment, même plein de nouveaux groupes, hein, qui ressortent des vieux synthés analogiques, tout ça, avec des voix. Ouais. À la Human League, à la Simple Minds, à la Cure, c'est incroyable. Et c'est beaucoup du vinyle ou c'est aussi vinyle CD, oui, c'est incroyable. CD, oui, c'est mon mot en ce moment, la mode incroyable. Ah, incroyable. Il y a tellement de choses super des qui choses arrivent, incroyables, donc... bah voilà. Exactement, il faut profiter. Tout à fait. Alors, les auditeurs salivent déjà à l'avance pour la prochaine soirée Remember of Pass. Exactement, le 1er décembre, donc en fait, ça sera la dernière soirée au Steeple, donc Dark Side of the 80s, ouais. Avec une DJ milanaise qui s'appelle Kalte Starney, qui est en fait, elle est strasbourgeoise, mais elle mixe à Milan depuis des années, donc qui sera mon invitée pour la soirée. Que des choses très très cold wave, etc. Donc électro. Ça va être très très bien, très bon programme. L'endroit toujours au Steeple. Donc à 25 pour la dernière de Lille. Soirée, c'est ça. C'est la dernière soirée Remember of Pass dans ce lieu. Puis ensuite, à partir du premier week-end de février, et pour les autres, ça sera dans un lieu tout à fait magique, féerique, à Courtrai, juste à la sortie de l'autoroute, donc beaucoup plus près que le Steeple. Un endroit vraiment dans un château. Voilà, voilà. Super. On travaille sur le site avec plein de photos, etc. pour bien expliquer aux gens que les soirées continuent, mais dans un endroit complètement différent. C'est belle, ouais. Donc voilà. Donc ça va. Ça va. Un petit peu de nouveau. Ça va rebooster encore plus. Ça va encore rebooster. On va retrouver une clientèle plus de quarantenaire, etc. qui parce que le Steeple c'était un peu peut-être trop loin pour eux, bien que je trouve pas ça loin, 25 minutes, mais. Ça faisait combien de temps que c'était au Steeple? 3 ans. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est un super endroit, c'est un endroit mythique, mais je pense qu'à ce moment, il faut savoir tourner la page pour trouver un endroit un peu plus différent. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est un château, truc un peu plus un peu mystique, etc. Donc super son, c'est vraiment la boîte de nuit, quoi. D'accord. Voilà, à partir du mois de février, mais la dernière soirée Remember of Past au Steeple, je le répète, c'est le 1er décembre, c'est une Dark Side of the 80s. Donc gros événement avant l'année prochaine. Voilà. Très bien, très bien. On rappelle toujours l'adresse du site internet www.theremembereface.com avec un tir entre chères particules et surtout la page MySpace qui cartonne. Qui cartonne aussi. D'ailleurs, le site, on devrait même presque l'arrêter parce que bon, les gens consultent beaucoup plus la page Remember, la page sur MySpace via le site parce que bon, c'est beaucoup plus convivial. Je mets beaucoup plus d'infos, il y a les commentaires, des photos, etc., etc. Les flyers sont plus facilement mis en ligne que sur le site où il y a une gérance un peu plus difficile. C'est vrai que c'est plus facile sur MySpace. Hein. Voilà, beaucoup plus facile de communiquer, etc., vis-à-vis des amis, des gens qui consultent, voilà. Très bien, impeccable. Merci beaucoup, mon ami. Bon voyage en Russie, je sais que tu pars bientôt. Oui, semaine prochaine. Mais je vais revenir avec une belle russe, je vais te marier avec toi. Tu sais qu'en Russie, il y a 5 femmes pour un homme, hein, donc... C'est vrai. Il y a même une école des garces, je te jure. Ah ouais, une école des garces. Russian Institute. Bah ouais, non, mais je te promets, j'ai vu une émission sur la Suisse. Ah bah écoute, où les nanas apprenaient à draguer, tout ça, parce qu'il n'y avait qu'un seul homme pour 5 nanas, donc les nanas se battent, quoi, pour les mecs. C'est fou, ça. Incroyable. Bon, enfin, j'ai mal là-bas, non pas pour du mythique, mais plus pour de mixer. Hein. Pourquoi du mythique? Enfin, du mythique, je veux dire, relation mythique. Ah, je connais pas, c'est pas mon genre. Excusez-moi, monsieur Guillaume. Non, non, ce sera plus vraiment pour mixer et puis passer un petit peu de vacances, on va dire ouais, aussi. Ouais, bah t'as bien raison. On merci à vous tous. Hein, encore profiter, hein. Merci. N'est-ce pas? Tiens, t'as un trou là, mon amour. Non, regarde. Hop là! Un gros trou. Hein. T'as vu ça? Miam, miam. Oh, que tu es gourmand, que tu es gourmand. Voilà, remets le mix, messieurs dames. Ce soir, c'est soirée du casse avec Guillaume et RVU à la platine, un de une fois. Allez, merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Et ciao. Merci. RVU en pleine forme ce soir, qui vous accompagne jusqu'à 22h30. Et c'est du direct. Et c'est bien sûr sur la fréquence de Galaxy. Bonne soirée à tous. Galaxy, out of time. We'll be right back. decontamination and immunization procedures now. We'll be right back. Boys and girls will meet, boys and girls will meet every Friday night. Fashion so neat, they dress so chic, they dress so chic. Leather and lust, a kinetic beat. Tuesday's Eve, Tuesday's Eve. I'm in my car, I'll cruise all night. Pretty neon lights, pretty neon lights. Every Friday night, we make a stance. We like to dance, we like to dance. Every Friday night, she looks like Bardo. She steals the show, she steals the show. Crushed velvet skirt and eyeshadow. Lipstick up rose, lipstick up rose. We're dressed in black, we look like stars. We cruise the bars, we cruise the bars. Friday night, in a darkened club, boys and girls will meet, boys and girls will meet. Every Friday night, in a darkened club, boys and girls will meet, boys and girls will meet. Every Friday night, in a darkened club, boys and girls will meet, boys and girls will meet. Every Friday night, in a darkened club, boys and girls will meet, boys and girls will meet. Every Friday night, in a darkened club, boys and girls will meet. Découverte Remember of Past.

знаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Острогова. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует Народный артист Советского Союза Борис Александров. Yeah. it under me. You propose the quest to prove it, and I swear to God it's not me. You've got a hard heart beating hard, it's your ass. You think love is a dirty, dirty word. You pick up the phone and you ring me when I'm at home, and then you put it down and I'm reaching for my Valium. Living life on a knife edge of life. Tell my wife that she's just had a breakdown, and I'm no witch, but I'm caught in my pitch. But you're ruined the lot. Finish everything I've got. My secret life, secret life. I'll give you anything, yeah, anything to shut you up. Why do you hate me so much? What have I ever done to you? Believe you. When I walk down the street, all my friends giving me no love. I'm gonna go away, change my name, change my face, leave a trail of addresses all over the place. Get a job in a store, keep my head to the floor. I think I just don't wanna live anymore. Life on a knife edge of life. Excellency.